Chapitre 6e. Grâce à son couvre-chef administratif, l'inspecteur n'eut aucune difficulté à obtenir les renseignements qu'il cherchait sans éveiller de soupçons. Accompagné par la concierge, afin de donner plus de vraisemblance à sa démarche, il monta au quatrième, où un petit vieux à tête de chanoine le reçut, drapé dans une douillette robe de chambre de drap bleu marine. « Madame vient de me dire, expliqua le faux employé, que vous avez eu certaines difficultés avec votre réchaud. Il y a eu des dérangements assez nombreux dans le quartier et je suis chargé par la compagnie de faire une enquête à ce sujet. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire exactement ce qui s'est passé ?»« Oh, cela n'a pas été bien grave en vérité, répliqua le vieillard d'une curieuse petite voix flûtée. Mardi dernier, vers 10 heures du soir, je voulais chauffer un poêlon d'eau afin de me préparer une tasse de camomille. J'ai vainement fait flamber 5 ou 6 allumettes, rien à faire, il n'y avait pas de gaz. » L'inspecteur tica. Le mardi auquel il avait fait allusion était précisément le jour du décès de M. Pervenche. « Êtes-vous certain de l'heure ?»« Absolument. Le Westminster venait de sonner 10 heures. J'ai mis 2 ou 3 minutes pour prendre mon récipient et le remplir au robinet. Comme jamais jusqu'alors je n'avais constaté d'interruption dans le service, j'étais fort étonné. Quelques instants plus tard, j'ai tenté une nouvelle expérience et cette fois, l'appareil a fonctionné à merveille. » Le policier tira son carnet de sa poche, nota l'identité de son interlocuteur et le résumé de ce qu'il venait de lui apprendre. Puis il se confondit en remerciements et redescendit dans la loge où, assis à califourchon sur une chaise, il pria aimablement Madame Blanchette de lui rafraîchir ses souvenirs. « Vous m'avez dit, je crois, chère madame, que ce même mardi, vous aviez rencontré le neveu de M. Séraphin sur le palier, au moment où il quittait son oncle. C'est tout à fait exact. Même que ce pauvre monsieur avait bien froid à cause de sa grippe et qu'il a recommandé de laisser le foyer à gaz allumé. Il brûlait donc à ce moment. Je l'ai constaté moi-même. Parfait. Quelle heure était-il? 2 minutes avant 9 heures. » Pierrot a fermé la porte, glissé la clé à l'intérieur, puis l'est monté au 5e. « Chez Mademoiselle Zizi, » précisa la concierge en clignant de l'œil, « pour lui dire un petit bonsoir. Ne m'avez-vous pas dit que cette jeune personne avait eu, elle aussi, maille à partir avec son réchaud ? En effet, mais ce n'était pas grave, les tuyaux étaient sales. Elle est sortie, pour l'instant, cette Mademoiselle Zizi ? Oui, avant-hier, elle a trouvé une place de figurante dans un film, Le baiser de Judas, que ça s'appelle, et ce baiser lui fournira du travail durant 3 ou 4 semaines. Voit-elle encore Pierrot ? Il n'est plus venu depuis la mort de ce pauvre M. Séraphin. J'ai l'impression qu'il a laissé tomber la petite. » Et la brave femme poussa un soupir de compassion en ajoutant « C'est pourtant une gentille fille et jolie comme un cœur. Quand rentrera-t-elle ? Ce soir, aux environs de 7 heures. » « Alors je me permettrai de vous déranger une fois encore à ce moment. Vous êtes toujours le bienvenu, » proclama Madame Blanchette avec sincérité. Puis, curieuse, elle demanda « Votre enquête avance-t-elle ? » À pas de géant. Je puis dès à présent répondre à la question « Comment ?» Voulez-vous dire que vous savez comment on s'y est pris pour assassiner ce pauvre monsieur ? Oui, suivez-moi bien. À 9 heures, le foyer brûle dans l'appartement hermétiquement clos de M. Pervenche. Il a pris de l'aspirine et un léger somnifère et il ne tarde pas à s'endormir. À 10 heures, alors que son sommeil est profond, une main criminelle tourne la clé du compteur. Qu'arrive-t-il ? Lentement, les flammes privées d'aliments s'éteignent. Que fait alors l'assassin ? Il donne un nouveau tour de clé, mais en sens inverse, cette fois. Son geste permet au petit vieux du quatrième de se préparer sa camomille, et par la même occasion, le gaz meurtrier envahit le cabinet de travail et l'alcôve de la victime. C'est d'une simplicité angélique. Madame Blanchette était plongée dans un abîme de stupéfaction. Mais, fit-elle après un long silence, qui vous dit qu'il ne s'agit pas plutôt d'un accident ? Il n'y a pas eu d'interruption dans le service de distribution, répondit l'inspecteur avec sérénité. La compagnie est formelle sur ce point. Qui a pu être assez mauvais ? Cela, c'est autre chose. Et avant de savoir qui est le coupable, il convient de connaître le mobile qui l'a poussé. Et après avoir cordialement serré la main de sa collaboratrice, l'inspecteur regagna son bureau en songeant au pourquoi de cette singulière affaire. Il l'a pris tout bêtement en dépouillant son courrier. Une communication administrative de l'état civil de Bourg-en-Bresse lui annonce en effet, comme suite à l'apostille numéro 69-483-CPJG, reprise sous rubrique et que nous a transmise le service compétent, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que la nommée Nathalie, Thérèse, Ernestine Pervenche, sans profession, domiciliée en cette ville, y est décédée en date du 7 février dernier. Il nous a donc été impossible, ainsi que le requérait votre précité, de lui faire part de la mort de son frère, survenu le 24 du même mois. Nous vous signalons, pour autant que de besoin et à toutes fins utiles, que le permis d'inhumer a été délivré sous le numéro 675-874-BC, contresigné par le docteur Bourguignon. L'inspecteur poussa un soupir de satisfaction. Tout lui apparaissait désormais clair comme de l'eau de roche. La disparition de l'héritière de Séraphin Pervenche rendait caduque le testament qu'il avait rédigé. Dès lors, sa fortune revenait, de droit, au seul parent qui lui resta, Pierre d'Arquen, son serviable neveu. Son intuition n'avait pas trompé l'inspecteur. Pierrot était le digne émule de son oncle, et comme lui, un fief et gredin. Connaissant le comment et le pourquoi, il devenait en effet aisé de répondre à la dernière des trois questions « qui ?». Mais où l'affaire se compliquait singulièrement, c'est qu'il convenait maintenant de trouver le moyen d'inculper l'assassin, en établissant que c'était lui qui avait coupé le gaz. Avant même d'y songer, Odilon Quentin fit appeler le brigadier Chenu. « As-tu déjà quelques renseignements au sujet de d'Arquen ?» interrogea-t-il. « Oui, mais rien que des généralités. L'enquête se poursuit. Qu'as-tu appris jusqu'à présent ?»« L'oiseau ne semble pas fort reluisant. Ses fréquentations sont déplorables. Prostituée et chenapan divers. Il est en ménage depuis 3 ans, avec une serveuse plus ou moins élégante, dont le nom figure à nos sommiers. Elle a tiré 2 ans pour vol, mais on a dû la quitter dans une affaire de recel où la preuve formelle n'avait pu être établie. D'Arquen est joueur. Il s'adonne avec passion au poker qu'il pratique chaque soir dans un tripot de réputation douteuse. Tout récemment, il a perdu plus de 150 000 francs. Il avait joué sur parole et n'a pas encore payé jusqu'à présent. Il fait patienter son créancier en lui affirmant qu'il compte le désintéresser prochainement, dès qu'il aura touché un héritage important. Précieux cela. Ton informateur pourra-t-il en témoigner ? Oui. Parfait. Arrange-toi maintenant avec Dubosc. Retrouvez Pierrot, coûte que coûte, et à deux, prenez-le en filature. Ne le lâchez pas d'une semelle, et toutes les heures, que l'un de vous me téléphone ici pour me dire où il se trouve. Je vous donnerai mes instructions par la suite. D'accord. C'est lui qui a fait le coup. J'en ai la certitude, mais à l'heure actuelle, je suis incapable de le prouver. Alors tout va bien. Vous ne tarderez pas à trouver le moyen de coffrer notre homme. Aussitôt après le départ de son collaborateur, l'inspecteur principal se rendit dans le cabinet du juge d'instruction chargé de l'affaire. Il mit ce magistrat au courant de ses découvertes et lui demanda un mandat d'arrêt signé en blanc. L'autre ne lui remit qu'en maugréant, car il était tatillon, et il accompagna son geste de force recommandation à la prudence. Muni de ce papier redoutable, arraché de haute lutte, Odilon Quentin regagna son bureau, se roula une cigarette de gris et la fuma béatement tout en réfléchissant profondément.